Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Nous en sommes arrivés à la leçon 48, notre dernière. La phrase clé est... いろいろお世話になりました. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Littéralement, vous avez bien pris soin de moi de diverses façons. Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de Thaïlande. Anna a complété son année d'études au Japon. Aujourd'hui, elle retourne en Thaïlande. Sakura et Kenta sont à l'aéroport pour lui dire au revoir. Écoutons le sketch de la leçon 48. La phrase clé est... いろいろお世話になりました. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Littéralement, vous avez bien pris soin de moi de diverses façons. タイに着いたら連絡してね。はい。いろいろお世話になりました。 ケンタさんとさくらさんもお元気で。 Laissez-moi maintenant vous expliquer le sketch. Kenta a dit à Anna « Karada ni kiyotsukete. » « Prends bien soin de toi. »« Karada » signifie « corps, santé. »« Ni » est une particule qui indique l'objet. « Kiyotsukete » est la forme en « t » du verbe « kiyotsukemasu. » « Prendre soin de. » « Kiyotsukete » exprime de façon informelle une demande. « Kudasai, s'il vous plaît, est omis. » Après, n'est-ce pas? Oui, on dit également Kiyotsukete. Prends soin de toi. Littéralement, sois prudent avec toi-même, aux membres de notre famille, lorsqu'ils sortent. On utilise la particule ni pour indiquer l'objet de ce verbe, c'est-à-dire ce dont on devrait prendre soin, n'est-ce pas? C'est juste. Supposons que l'on dit sois prudent avec les voitures. Voiture, c'est Kuruma. Alors on dit Kuruma ni kiyotsukete. Alors Sakura dit à Anna タイに着いたら連絡してね. Quand tu arrives en Thaïlande, préviens-nous. タイ signifie Thaïlande. Ici, la particule ni indique la destination d'un mouvement. ついたら signifie quand tu arrives. Il est composé de la forme en ta du verbe つきます. Arriver, qui est ついた. Et de là. Mélanie, vous avez appris から. Dans la leçon 30. Vous vous en souvenez? Tara et la forme en ta des verbes avec ra expriment des conditions, n'est-ce pas? Oui, dans la leçon 30, vous avez appris. Ame ni nuretara. Kaze o hiku yo. Si tu te fais mouiller, tu vas attraper un rhume. Dans ce cas, Tara exprimait une supposition parmi les nombreuses significations du mot condition. Ici, Tai ni tsuitara. Quand tu arrives en Thaïlande, est une condition préalable et non pas une supposition. Anna doit arriver en Thaïlande. Donc, Tara est employé ici pour exprimer une condition préalable, c'est-à-dire lorsqu'un développement qui surviendra de façon certaine dans le futur sera complété. Qu'est-ce que Sakura demande à Anna de faire lorsqu'Anna arrive en Thaïlande? Elle dit « 連絡して. » Préviens-nous. C'est la forme en T du verbe « 連絡します. » Littéralement, « te laisser savoir ». La forme en T ici est aussi l'expression informelle d'une demande. Ne est une particule employée à la fin d'une phrase en guise de confirmation. Sakura demande à Anna de la prévenir lorsqu'elle arrive en Thaïlande. Pour être poli, on dit 連絡してください. Prévenez-nous. Anna répond はい. Oui. いろいろお世話になりました. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Littéralement, vous avez bien pris soin de moi de diverses façons. C'est notre phrase clé aujourd'hui. いろいろ signifie de diverses façons. お世話になりました signifie merci beaucoup pour tout. Littéralement, vous avez bien pris soin de moi. Pendant son séjour au Japon, Anna a été aidée par Sakura notamment de multiples façons. Elle exprime donc sa gratitude pour ce que tous ont fait pour elle. Exerçons-nous à dire notre phrase clé du jour. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. いろいろお世話になりました. Anna poursuit. Kenta san to Sakura san mo o genki de. Kenta et Sakura, portez-vous bien également. Kenta san. C'est Kenta avec le terme honorifique san. To et est une particule qui lie les substantifs. Ici, elle lie Kenta et Sakura. Sakura san. C'est Sakura avec le terme honorifique san. Mo. C'est également. O genki de. Signifie portez-vous bien. Prenez soin de vous-même, prenez soin de votre santé. Il s'agit du terme honorifique « o » placé devant l'adjectif « genki » « bien, en bonne santé » afin de montrer du respect à Kenta et Sakura. « O genki de » est une façon de saluer quelqu'un que l'on ne verra pas pendant un certain temps. Il faut mémoriser cette salutation comme telle. Si je comprends bien, on ne dit pas « o genki de » à quelqu'un que l'on voit tous les jours. Non, en effet. Écoutons de nouveau le sketch de la leçon 48. Notre phrase clé aujourd'hui est Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Littéralement, vous avez bien pris soin de moi de diverses façons. いろいろお世話になりました。 Kenta-san-to-Sakura-san-mo-genki-de. Passons à notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Pour cette dernière leçon, espérons que la professeure Tokunaga nous enseignera ce qu'il faut garder à l'esprit afin de mieux communiquer en japonais. Demandons à notre professeur. Watashi-ga-oshie-mashou. Durant une année, nous avons appris le japonais de base. Comme vous l'avez remarqué, on choisit la forme polie ou informelle pour parler selon notre relation avec notre interlocuteur. Anna s'exprime toujours de façon polie lorsqu'elle parle à ses aînés, c'est-à-dire ses professeurs, la mère du dortoir et Sakura. Mais pour s'adresser à Rodrigo, un camarade de classe, elle s'est d'abord exprimée poliment en utilisant « des » ou « mas » à la fin des phrases. Mais lorsqu'ils sont devenus amis, elle a opté pour la manière informelle. La langue est un moyen de communication. Même si l'on connaît bien la grammaire, nos relations avec les autres peuvent en souffrir si on ne parvient pas à parler d'une manière adaptée à la situation. D'autre part, même si l'on fait des erreurs grammaticales, notre désir d'établir de bonnes relations avec les autres sera transmis si l'on tente d'utiliser la manière polie ou informelle selon la situation. Donc, parlez japonais le plus souvent possible et familiarisez-vous avec la langue et les situations diverses. C'est la clé pour apprendre une langue. Je vous souhaite bonne chance. C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Passons là-dessus à notre rubrique « Mots descriptifs des sons ». Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. C'est quelqu'un qui rit, n'est-ce pas? Oui. Ahaha décrit le fait de rire la bouche grande ouverte. Et ceci, selon vous? C'est également quelqu'un qui rit? Uhuhu décrit quelqu'un qui rit, mais avec la bouche un peu moins ouverte. Ce mot est souvent utilisé pour décrire le rire d'une femme, souvent plus discret. Dans notre rubrique mots descriptifs des sons, aujourd'hui, nous vous avons fait découvrir... Ahaha et... Uhuhu. Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique les tweets d'Anna. Tout le monde, sayonara, au revoir, jusqu'à notre prochaine rencontre. La prochaine fois que je viendrai au Japon, je parlerai certainement beaucoup mieux le japonais. Oufoufou. La leçon 48, notre dernière, vous a plu? Notre phrase clé aujourd'hui était... いろいろお世話になりました. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et merci beaucoup d'avoir été à l'écoute du japonais en douceur durant toute cette année. Chers auditeurs, prenez bien soin de vous et sayonara. Sayonara.